Pastore son pasteur, elle allait l'embrassant et lui en l'accolant par joie et par amour. J'allais en un des tout, car de voir leur douceur eut faim et désir grand. Un long moment du jour restait là à séjour, regardant leur semblant. Elle disait, oh, ah, et oh. Robin répondait, dans l'eau. Longtemps restait ainsi, car trop était joli leur jeu à regarder. Enfin vit son ami qui le départit et au bois vint entrer. Lors j'eus envie d'aller vers elle et saluer, près d'elle je m'assis et me mis à parler et s'amour demander, mais mot ne répondit. Toujours disait, oh, ah, et oh. Et Robin du Bois